Et comment dit-on savoir? Savoir, saber. Saber. Saber. Et voir, c'est Ber. ber. Hein, oui, c'est ça. Qui s'écrit avec V. Hein, V-E-R. Avec le V qui se prononce B. Donc, saber, savoir. Ber, voir. Je veux le savoir, se dit. Quiero. Quiero. Ah oui, quiero saberlo. Quiero saberlo, tout à fait. Je veux le savoir. Littéralement, je veux savoir le. Quiero saberlo. Et je veux le voir. Quiero Berlo. Berlo, oui. Hein? Là encore, ça s'écrit en un seul mot, tout attaché. V-E-R-L-O. Quiero berlo. Hein? Donc, berlo, littéralement, voir le, c'est-à-dire le voir. Et la voir, ça sera berla, hein, tout simplement. Donc, on a lo si c'est masculin. Et là, si c'est féminin. Vous voir, je pense au vous de politesse, c'est berle. Les, hein, L-E. D'ailleurs, les voir se dit berlos. Los, hein, pour les. En fait, si les fait référence à des hommes ou à des mots masculins, dans ces cas, on dit los. Mais s'il s'agit des femmes ou des mots féminins, alors on dira las, berlas. Et si on parle à la fois d'hommes et de femmes, comme en français, c'est le masculin qui l'emporte. Désolée, mademoiselle. Donc, on dira aussi los. Donc, je veux les voir, se dira. Quiero verlos. C'est ça, quiero verlos. Ou bien, quiero verlas. Si les se rapportent uniquement à des femmes ou à des choses ou concepts qui sont féminins en espagnol. Je veux le voir. Quiero berlo. D'accord, encore une fois. Quiero berlo. C'est ça. Quiero verlo. Et je veux vous voir, hein, vous le dites à usted. Donc, au lieu de berlo, on aura Berlé, Berlé. berle, oui. Donc, je veux vous voir. Quiero Berlé. Quiero berle. Et me voir se dit berme. Berme. Me s'écrit M-E, comme en français. Me. On a déjà vu avant comment dire moi. Par exemple, dans pour moi, para mí, mi, mi, avec un accent aigu. Avec verme, me voir, nous voyons maintenant comment dire me, qui se dit tout simplement me. Alors, prenons le verbe comprendre, qui se dit comprender, comprendre, comprender. Donc, le comprendre, ça sera comprenderlo. comprenderlo et vous comprendre. Comprenderle. Comprenderle, d'accord. Et les comprendre. Comprenderlos. Comprenderlos. Et s'il s'agit seulement de femmes ou de choses ou de concepts féminins en espagnol, Comprenderlas. comprenderlas. Comprenderlas. Et comment dites-vous me comprendre? Comprender, mais. Comprenderme. Hein? Comprenderme, oui. Et comment dira-t-on est-ce que vous pouvez la comprendre? Puede. C'est ça, puede. Hein? Puede la comprendre, c'est-à-dire comprendre la. Ok. Comprenderla. C'est bien. Puede comprenderla. Est-ce que vous pouvez la comprendre? Et pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas la comprendre? Por qué no comprend... Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas... Por qué no puedo comprender... No puedo veut dire je ne peux pas. Ah oui, no puede. C'est ça. Por qué no puede la comprendre? Comprenderla. D'accord. Por qué no puede comprenderla? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas la comprendre? Por qué no puede comprenderla.